Chapitre 25, deuxième partie, des essais de Montaigne. Livre premier. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Essai par Michel Ekem de Montaigne, livre premier, chapitre 25. De l'institution des enfants, deuxième partie. La plus expresse marque de la sagesse, c'est une éjouissante constante. Son état est, comme des choses au-dessus de la lune, toujours serein. C'est Barocco et Baralipton qui rendent leur suppôt ainsi crotté et enfumé. Ce n'est pas elle. Ils ne la connaissent que par ouï-dire. Comment ? Elle fait état de serainer les tempêtes de l'âme et d'apprendre la faim et les fièvres à rire. Non par quelque épicycle imaginaire, mais par raison naturelle et palpable. Elle a pour son but la vertu, qui n'est pas, comme dit l'école, plantée à la tête d'un mont coupé, raboteux et inaccessible. Ceux qui l'ont approchée la tiennent, au rebours, logée dans une belle plaine fertile et fleurissante, d'où elle voit bien sous soi toutes choses. Mais si peut-on y arriver? Qui en sait l'adresse, par des routes ombrageuses, gazonnées et douffleurantes plaisamment, et d'une pente facile et polie, comme est celle des voûtes célestes. Pour n'avoir hanté cette vertu suprême, belle, triomphante, amoureuse, délicieuse, pareillement et courageuse, ennemie professe et irréconciliable d'aigreur, de déplaisir, de crainte et de contrainte, ayant pour guide nature fortune et volupté pour compagnie, ils sont allés, selon leur faiblesse, feindre cette sotte image triste, querelleuse, dépitée, menaceuse, mineuse, et la placer sur un rocher à l'écart, et mis des ronces, fantôme, à étonner les gens. Mon gouverneur, qui connaît devoir remplir la volonté de son disciple autant ou plus d'affection que de révérence envers la vertu, lui saura dire que les poètes suivent les humeurs communes et lui faire toucher au doigt que les dieux ont mis plutôt la sueur aux advenus des cabinets de Vénus que de Pallas. Et quand il commencera de se sentir, lui, présentant Bradamante ou Angélique pour maîtresse à jouir et d'une beauté naïve, active, généreuse, nonomasse mais virile, au prix d'une beauté molle, affaitée, délicate, artificielle, l'une travestie en garçon, coiffée d'un morion luisant, l'autre vêtue en garce, coiffée de natifets emperlés, et jugera mal son amour même, s'il choisit tout diversement à cet efféminé pasteur de Phrygie. Il lui fera cette nouvelle leçon, que le prix et hauteur de la vraie vertu est en la facilité, utilité et plaisir de son exercice, si éloignés des difficultés que les enfants y peuvent, comme les hommes, les simples, comme les subtils. Le règlement, c'est son outil, non pas la force. Socrate, son premier mignon, quitta escient sa force pour glisser en la naïveté et aisance de son progrès. C'est la mère nourrice des plaisirs humains. En les rendant justes, elle les rend sûrs et purs. Les modérant, elle les tient en haleine et en appétit, retranchant ceux qu'elle refuse. Elle nous aiguise envers ceux qu'elle nous laisse, et nous laisse abondamment tous ceux que veut nature, et jusqu'à la satiété, sinon jusqu'à la lasteté maternellement. Si d'aventure nous ne voulons dire que le régime qui arrête le buveur avant l'ivresse, le mangeur avant la crudité, le paillard avant la pelade, soit ennemi de nos plaisirs. Si la fortune commune lui faut, elle lui échappe, ou elle s'en passe, et s'en forge une autre toute sienne, non plus flottante et roulante. Elle sait être riche et puissante, et savante et couchée en des matelas musqués. Elle aime la vie, elle aime la beauté, et la gloire, et la santé. Mais son office propre et particulier, c'est savoir user de ces biens-là règlement et les savoir perdre constamment. Office bien plus noble qu'âpre, sans lequel tout cours de vie est dénaturé, turbulent et difforme, et il peut, ont justement attaché les écueils, ses alliés et ses monstres. Si ce disciple se rencontre de si diverses conditions, qu'il aime mieux ouïr une fable que la narration d'un beau voyage ou un sage propos, quand il entendra, qui au son du tabourin qui arme la jeune ardeur de ses compagnons, se détourne à un autre qui l'appelle au jeu des bateleurs, qui, par souhait, ne trouve plus plaisant et plus doux revenir poudreux et victorieux d'un combat que de la paume ou du bal, avec le prix de cet exercice, je n'y trouve autre remède, sinon qu'on le mette pâtissier dans quelque bonne ville. Fût-il fils d'un duc, suivant le précepte de Platon, qu'il faut colloquer les enfants non selon les facultés de leur père, mais selon les facultés de leur âme. Puisque la philosophie est celle qui nous instruit à vivre et que l'enfance y a sa leçon comme les autres âges, pourquoi ne la lui communique-t-on ? Udum et molle lutum est, nunc nunc properandus, et acri figendus sine fine rota. On nous apprend à vivre quand la vie est passée. Sans écolier, on prit la vérole, avant que d'être arrivé à leur leçon d'Aristote de la tempérance. Cicero disait que, quand il vivrait la vie de deux hommes, il ne prendrait pas le loisir d'étudier les poètes lyriques. Et je trouve ces ergotistes plus tristement encore inutiles. Notre enfant est bien plus pressé. Il ne doit au pédagogisme que les premiers 15 ou 16 ans de sa vie. Le demeurant est dû à l'action. Employons un temps si court aux instructions nécessaires. Ce sont abus. Ôtez toutes ces subtilités épineuses de la dialectique, de quoi notre vie ne se peut amender. Prenez les simples discours de la philosophie. Sachez les choisir et traiter à point. Ils sont plus aisés à concevoir qu'un conte de Boccace. Un enfant en est capable au partir de la nourrice, beaucoup mieux que d'apprendre à lire ou écrire. La philosophie a des discours pour la naissance des hommes, comme pour la décrépitude. Je suis de l'avis de Plutarque qu'Aristote n'amusa pas tant son grand disciple à l'artifice de composer syllogismes ou aux principes de géométrie, comme à l'instruire des bons préceptes touchant la vaillance, prouesse, la magnanimité et tempérance, et l'assurance de ne rien craindre. Et avec cette munition, il l'envoya encore enfant subjuguer l'empire du monde à tout 30 000 hommes de pied, 4 000 chevaux et 42 000 écus seulement. Les autres arts et sciences, dit-il, Alexandre les honorait bien et louait leur excellence et gentillesse. Mais pour plaisir qu'il y prit, il n'était pas facile à se laisser surprendre à l'affection de les vouloir exercer. Petite inc juvanesque senesque, finem animo certum, miserisque viatica canis. C'est ce qu'il dit Épicurus au commencement de sa lettre à Ménicius. Ni le plus jeune refuse à philosopher, ni le plus vieil s'y lasse. Qui fait autrement, il semble dire, ou qui n'est pas encore saison d'heureusement vivre, ou qui n'en est plus saison. Pour tout ceci, je ne veux pas qu'on emprisonne ce garçon. Je ne veux pas qu'on l'abandonne à la colère et humeur mélancolique d'un furieux maître d'école. Je ne veux pas qu'on rompe son esprit à le tenir à la gêne et au travail, à la mode des autres, 14 ou 15 heures par jour, comme un portefeuille. Ni ne trouverait bon quand, par quelque complexion solitaire et mélancolique, on le verrait à donner d'une application trop indiscrète à l'étude des livres, qu'on la lui nourrit. Cela les rend ineptes à la conversation civile et les détourne de meilleures occupations. Et combien ai-je vu de mon temps d'hommes abestis par téméraire avidité de science ? Carnéade s'en trouve si affolé qu'il n'eut plus le loisir de se faire le poil et les ongles. Ni ne veut gâter les mœurs généreuses par l'incivilité et barbarie d'autrui. La sagesse française a été anciennement en proverbe. pour une sagesse qui prenait de bonne heure et n'avait guère de tenue. À la vérité, nous voyons encore qu'il n'est rien si gentil que les petits-enfants en France. Mais ordinairement, il trompe l'espérance qu'on en a conçue, et homme fait, on n'y voit aucune excellence. J'ai ouï tenir à gens d'entendement que ces collèges où on les envoie, de quoi ils ont foison, les abrutissent ainsi. Au nôtre, un cabinet, un jardin, la table et le lit, la solitude, la compagnie, le matin et le vêpre, toute heure lui seront une, toute place lui seront étude, car la philosophie, qui, comme formatrice des jugements et des mœurs, sera sa principale leçon, a ce privilège de se mêler partout. Isocrate, l'orateur étant prié en un festin de parler de son art, chacun trouve qu'il eut raison de répondre « Il n'est pas maintenant temps de ce que je sais faire, et ce de quoi il est maintenant temps, je ne le sais pas faire. » Car de présenter ses harangues ou des disputes de rhétorique à une compagnie assemblée pour rire et faire bonne chère, ce serait un mélange de trop mauvais accords. Et autant en pourrait-on dire de toutes les autres sciences. Mais quant à la philosophie, en la partie où elle traite de l'homme et de ses devoirs et offices, ça a été le jugement commun de tous les sages que pour la douceur de sa conversation, elle ne devait être refusée ni au festin ni au jeu. Et Platon, l'ayant invitée à son convive, nous voyons comme elle entretient l'assistance, d'une façon molle et accommodée au temps et au lieu, quoique ce soit de ses plus hauts discours et plus salutaires. Eque pauperibus prodest, locu pleptibus aque, et neglecta aque poeres senebusque nocebit. Ainsi, sans doute, il chômera moins que les autres. Mais comme les pas que nous employons à nous promener dans une galerie, quoiqu'il y en ait trois fois autant, ne nous lasse pas comme ceux que nous mettons à quelque chemin dessaigné. Aussi, notre leçon se passant comme par rencontre, sans obligation de temps et de lieu, et se mêlant à toutes nos actions, se coulera sans se faire sentir. Les jeux mêmes et les exercices seront une bonne partie de l'étude. La course, la lutte, la musique, la danse, la chasse, le maniement des chevaux et des armes. Je veux que la bienséance extérieure et l'entre-gens et la disposition de la personne se façonnent quand et quand l'âme. Ce n'est pas une âme, ce n'est pas un corps qu'on dresse, c'est un homme. Il n'en faut pas faire à deux. Et comme dit Platon, il ne faut pas les dresser l'un sans l'autre, mais les conduire également, comme une couple de chevaux attelés à même timon. Et, à l'ouïr, semble-il pas presser plus de temps et plus de solitude aux exercices du corps et estimer que l'esprit s'en exerce quand, et non au contraire. Au demeurant, cette institution se doit conduire par une sévère douleur. Non comme il se fait. Au lieu de convier les enfants aux lettres, on ne leur présente à la vérité que horreur et cruauté. Ôtez-moi la violence et la force. Il n'est rien, à mon avis, qui abâtardisse et étourdisse si fort une nature si bien née. Si vous avez envie qu'ils craignent la honte et le châtiment, ne l'y endurcissez pas. Endurcissez-le à la sueur et au froid, au vent, au soleil et au hasard qu'il lui faut mépriser. Ôtez-lui toute mollesse et délicatesse au vêtir et coucher, au manger et au boire. Accoutumez-le à tout, que ce ne soit pas un beau garçon et d'ameret, mais un garçon vert et vigoureux. Enfant, homme, vieille, j'ai toujours cru et jugé de même. Mais entre autres choses, cette police de la plupart de nos collèges m'a toujours déplu. On eût failli, à l'aventure, moins dommageablement, s'inclinant vers l'indulgence. C'est une vraie géole de jeunesse captive. On la rend débauchée, l'en punissant avant qu'elle le soit. Arrivez-y, sur le point de leur office. Vous n'ayez que cris, et d'enfants suppliciés, et de maîtres enivrés en leur colère. Quelle manière pour éveiller l'appétit envers leurs leçons, à ces tendres âmes et craintives, de les y guider d'une trogne effroyable, les mains armées de fouets. Inique et pernicieuse forme. Joint ce que Quintilian en a très bien remarqué, que cette impérieuse autorité tire des suites périlleuses, et nommément à notre façon de châtiment. Combien leur classe serait plus décemment jonchée de fleurs et de feuilles que de tronçons d'osiers sanglants. J'y ferai pour traire la loi, l'allégresse, et Flora et les grâces, comme fit en son école le philosophe Speusippus. Où est leur profit? Que là fut aussi leur ébat. On doit ensucrer les viandes salubres à l'enfant et enfieler celles qui lui sont nuisibles. C'est merveille combien Platon se montre soigneux en ses lois de la gaieté et passe-temps de la jeunesse de sa cité, et combien il s'arrête à leur course, jeux, chansons, sauts et danses desquels il dit que l'Antiquité a donné la conduite et le patronage aux dieux mêmes, Apollon, aux muses et Minerve. Il s'étend à 1000 préceptes pour ses gymnases, pour les sciences lettrées. Il s'y amuse fort peu et semble ne recommander particulièrement la poésie que pour la musique. Toute étrangeté et particularité en nos mœurs et conditions est évitable comme ennemi de société. Qui ne s'étonnerait de la complexion de Démophon, maître d'hôtel d'Alexandre, qui suait à l'ombre et tremblait au soleil? Je n'ai vu fuir la senteur des pommes plus que les arquebusades. D'autres s'effrayaient pour une souris. D'autres rendre la gorge avoir de la crème. D'autres avoir brassé un lit de plumes. Comme Germanicus ne pouvait souffrir ni la vue ni le chant des coqs. Il y peut avoir à l'aventure, à cela, quelques propriétés occultes, mais on l'éteindrait, à mon avis, qui s'y prendrait de bonne heure. L'institution a gagné cela sur moi. Il est vrai que ce n'a point été sans quelques soins, que, sauf la bière, mon appétit est accommodable indifféremment à toute chose de quoi on se paie. Le corps est encore souple. On le doit à cette cause, plié à toute façon et coutume. Et pourvu qu'on puisse tenir l'appétit et la volonté sous boucle, qu'on rende hardiment un jeune homme commode à toute nation et compagnie, voire aux dérèglements et aux excès, si besoin est. Son exercitation suive l'usage, qu'il puisse faire toutes choses, et n'aime à faire que les bonnes. Les philosophes même ne trouvent pas louable en Callisthène d'avoir perdu la bonne grâce du grand Alexandre, son maître, pour n'avoir voulu boire d'autant à lui. Il rira, il folastrera, il se débauchera avec son prince. Je veux qu'en la débauche même, il surpasse en vigueur et en fermeté ses compagnons, et qu'il ne laisse à faire le mal, ni à faute de force, ni de science, mais à faute de volonté. Multum interest utrum peccare aliquis nolit an nescia. Je pensais faire honneur à un seigneur aussi éloigné de ses débordements qu'il en soit en France, de m'enquérir à lui, en bonne compagnie, combien de fois en sa vie il s'était enivré pour la nécessité des affaires du roi, en Allemagne. Il le prit de cette façon et me répondit que c'était 3 fois, lesquelles il récita. J'en sais qui, à faute de cette faculté, se sont mis en grande peine, ayant à pratiquer cette nation. J'ai souvent remarqué avec grande admiration la merveilleuse nature d'Alcibiade de se transformer si aisément à des façons si diverses, sans intérêt de sa santé, surpassant tantôt la somptuosité et pompe persienne, tantôt l'austérité et frugalité lacédémonienne, autant réformé à Sparte qu'on voluptueux en Ionie. Omnis aristipum dequit color, et status et res. Tel voudrais-je former mon disciple. Quem duplici panno patientia velat, mirabor vitae via si conversa decebit. personamque feret non inconsinus utramque. Voici mes leçons. Celui-là y a mieux profité qu'il ait fait que qu'il essaie. Si vous le voyez, vous l'ayez. Si vous l'ayez, vous le voyez. J'ai à Dieu ne plaise, dit quelqu'un en Platon, que philosopher, ce soit apprendre plusieurs choses et traiter les arts. Anc applicinam omnium artium bene vivendi disciplinam, vita magis quam litteris persecuti sunt. Léon, prince des Phliaciens, s'enquérant à Héraclides Ponticus de quelle science, de quel art il faisait profession, « Je ne sais, dit-il, ni art ni science, mais je suis philosophe. » On reprochait à Diogène comment, étant ignorant, il se mêlait de la philosophie. « Je m'en mêle, dit-il, d'autant mieux à propos. » Et Gésias le priait de lui lire quelques livres. « Vous êtes plaisant, lui répondit-il. Vous choisissez les figues vraies et naturelles, non peintes. Que ne choisissez-vous aussi les exercitations naturelles, vraies et non écrites ? » Il ne dira pas tant sa leçon comme il la fera. Il la répétera en ses actions. On verra s'il y a de la prudence en ses entreprises, s'il y a de la bonté, de la justice en ses déportements, s'il a du jugement et de la grâce en son parler, de la vigueur en ses maladies, de la modestie en ses jeux, de la tempérance en ses voluptés, de l'ordre en son économie, de l'indifférence en son goût, soit chair, poisson, vin ou eau. Qui disciplinam suam non ostentationem scientiae, sed legem vitae putet, quicque obtemperet ipse sibi et decretis pareat. Le vrai miroir de nos discours est le cours de nos vies. Zeuxédamus répondit à un qui lui demanda pourquoi les Lacédémoniens ne rédigeaient par écrit les ordonnances de la prouesse et ne les donnaient à lire à leurs jeunes gens, que c'était parce qu'ils les voulaient accoutumer aux faits, non pas aux paroles. Comparez au bout de 15 ou 16 ans à cette-ci un de ces latineurs de collège, qui aura mis autant de temps à n'apprendre simplement qu'à parler. Le monde n'est qu'habile, et ne vit jamais homme qui ne dit plutôt plus que moins qu'il ne doit. Toutefois, la moitié de notre âge s'en va là. On nous tient 4 ou 5 ans à entendre les mots et les coudre en clause. Encore autant en proportionner un grand corps, étendu en 4 ou 5 parties. Autres 5, pour le moins, aller savoir brièvement mêler et entrelacer de quelque subtile façon. Laissons-le à ceux qui en font profession expresse. Allant un jour à Orléans, je trouvai dans cette plaine, au-dessus de Cléry, 2 régents qui venaient à Bordeaux. Environ à 50 pas l'un de l'autre, plus loin derrière eux, je voyais une troupe et un maître en tête, qui était feu monsieur le comte de La Rochefoucauld. Un de mes gens s'enquit au premier de ces régents, qui était ce gentilhomme qui venait après lui. Lui, qui n'avait pas vu ce train qui le suivait et qui pensait qu'on lui parlât de son compagnon, répondit plaisamment « Il n'est pas gentilhomme, c'est un grammairien, et je suis logicien. Or, nous qui cherchons ici, au rebours, de former non un grammairien ou logicien, mais un gentilhomme, laissons-les abuser de leurs loisirs. Nous avons affaire ailleurs. Mais que notre disciple soit bien pourvu de choses, les paroles ne suivront que trop. Il les traînera si elle ne veut suivre. J'en ai qui s'excusent de ne se pouvoir exprimer et font contenance d'avoir la tête pleine de plusieurs belles choses. Mais, à faute d'éloquence, ne les pouvoir mettre en évidence, c'est une baie. Savez-vous, à mon avis, que c'est que cela ? Ce sont des ombrages qui leur viennent de quelques conceptions informes, qui ne peuvent démêler et éclaircir au-dedans, ni par conséquent produire au-dehors. Ils ne s'entendent pas encore eux-mêmes, et voyez les uns un peu bégayés sur le point de l'enfanter. Vous jugez que leur travail n'est point à l'accouchement, mais à la conception, et qu'ils ne font que lécher cette matière imparfaite. De ma part, je tiens, et Socrate l'ordonne, que qui a dans l'esprit une vive imagination éclair, il la produira, soit en bergamasque, soit par mine, s'il est muet. Verbaque praevisam, rem non invita sequentur. Et comme disait celui-là, aussi poétiquement en sa prose, quum res animum occupa vere, verba ambiunt. Et cet autre, ipsa res verba rapiunt. Il ne sait pas ablatif, conjonctif, substantif, ni la grammaire. Ne fait pas son laquais ou une arrangère du petit pont. Et si, vous entretiendront tout votre saule si vous en avez envie, et se déferont aussi peu à l'aventure, aux règles de leur langage, que le meilleur maître S.A.R. de France. Il ne sait pas la rhétorique, ni pour avant-jeu capter la bénévolence du candide lecture, ni ne lui chaud de le savoir. De vrai, toute cette belle peinture s'efface aisément par le lustre d'une vérité simple et naïve. Ces gentillesses ne servent que pour amuser le vulgaire, incapable de prendre la viande plus massive et plus ferme, comme affaire montre bien clairement chez Tacitus. Les ambassadeurs de Samos étaient venus à Cléomène, roi de Sparte, préparés d'une belle et longue oraison pour l'émouvoir à la guerre contre les tyrans Polycrates. Après qu'il les eut bien laissés dire, il leur répondit « Quant à votre commencement et exorde, il ne m'en souvient plus, ni par conséquent du milieu, et quant à votre conclusion, je n'en veux rien faire. » Voilà une belle réponse, ce me semble, et les harangueurs bien Camus. Et quoi, cet autre ? Les Athéniens étaient à choisir de deux architectes à conduire une grande fabrique. Le premier, plus affêté, se présenta avec un beau discours prémédité sur le sujet de cette besogne et tirait le jugement du peuple à sa faveur. Mais l'autre en trois mots, « Seigneur Athénien, ce que cette-ci a dit, je le ferai. » Au fort de l'éloquence des Cicéro, plusieurs en entraient en admiration, mais Caton n'en faisait que rire. « Nous avons, disait-il, un plaisant consul. Aille devant ou après, une utile sentence, un beau trait est toujours de saison. S'il n'est pas bien pour ce qui va devant, ni pour ce qui vient après, il est bien en soi. » Je ne suis pas de ceux qui pensent la bonne rythme faire le bon poème. Laissez-lui allonger une courte syllabe, s'il veut. Pour cela non force. Si les inventions y rient, si l'esprit et le jugement y ont bien fait leur office, voilà un bon poète, dirais-je, mais un mauvais versificateur. Emunc tae naris, durus componere versus. Qu'on fasse, dit Horace, perdra à son ouvrage toutes ses coutures et mesures. Tempora certa modosque et quod prius ordine verbum est. Posterius facias, preponens ultima primis. Invenias etiam dissecti, membra poetse. Il ne se démentira point pour cela. Les pièces mêmes en seront belles. C'est ce que répondit Ménander, comme on le transa, approchant le jour auquel il avait promis une comédie, de quoi il n'y avait encore mis la main. « Elle est composée et prête, il ne reste qu'à y ajuster les vers. » Ayant les choses et la matière disposées en l'âme, il mettait en peu de compte le demeurant. Depuis que Ronsard et Du Bellay ont donné crédit à notre poésie française, je ne vois six petits apprentis qui n'enflent des mots, qui ne rangent les cadences à peu près comme eux. Plus sonat quam valet. Pour le vulgaire, il ne fut jamais tant de poètes. Mais comme il leur a été bien aisé de représenter le rythme, il demeure bien aussi court à imiter les riches descriptions de l'un et les délicates inventions de l'autre. Voir, mais que ferait-il si on le presse de la subtilité sophistique de quelques syllogismes? Le jambon fait boire, le boire désaltère. Par quoi le jambon désaltère? Qu'il s'en moque, il est plus subtil de s'en moquer que d'y répondre. Qu'il emprunte d'Aristippus cette plaisante contre-finesse, pourquoi le délirais-je, puisque tout lié il m'empêche? Quelqu'un proposait contre Cléante des finesses dialectiques, à qui Chrysippus dit « Joue-toi de ces battelages avec des enfants, et ne détourne à cela les pensées sérieuses d'un homme âgé. Si ces sottes argutilles, contorta et arculetea sophismata, lui doivent persuader d'un mensonge, cela est dangereux. Mais si elles demeurent sans effet et ne les meuvent qu'à rire, je ne vois pas pourquoi ils en doivent donner garde. Il en est de si sots qu'ils se détournent de leur voix un quart de lieue pour courir après un beau mot. Aut qui non verba rebus aptant, sed res extrinsecus arse sunt, quibus verba conveniant. Et l'autre, qui aliquius verbi decore placentis, votientur ad id, quod non popus suerant scibere. Je tords bien plus volontiers une bonne sentence pour la coudre sur moi que je ne détors mon fil pour la l'équerrir. Au rebours, c'est aux paroles à servir et à suivre, et que le gascon y arrive si le français ne peut aller. Je veux que les choses surmontent et qu'elles remplissent de façon l'imagination de celui qui écoute, qu'il n'ait aucune souvenance des mots. Le parler que j'aime, c'est un parler simple et naïf, tel sur le papier qu'à la bouche. Un parler succulent et nerveux, court et serré, non tant délicat et peigné, qu'on véhément et brusque. Ae demum sapiet dictio, qua feriet. Plutôt difficile qu'ennuyeux, éloigné d'affection, déréglé, décousu et hardi. Chaque lopin y fasse son corps, non pédantesque, non fratesque, non plaideresque, mais plutôt soldatesque, comme Suétone appelle celui de Julius César, et s'y ne sent pas bien pourquoi il en appelle. J'ai volontiers imité cette débauche qui se voit en notre jeunesse au port de leurs vêtements. Un manteau en écharpe, la cape sur une épaule, un bas mal tendu qui représente une fierté dédaigneuse de ces parements étrangers et nonchalante de l'art. Mais je la trouve encore mieux employée en la forme du parler. Toute affection, nommément en la gaieté et liberté française, est mésavenante aux courtisans. Et en une monarchie, tout gentilhomme doit être dressé au port d'un courtisan. Pourquoi nous faisons bien de gauchir un peu sur les naïfs et méprisants? Je n'aime point de tissures ou de liaisons, et les coutures paraissent. Tout ainsi qu'en un beau corps, il ne faut pas qu'on y puisse compter les os et veines. Qui veritati operam dat oratio, in composita sit et simplex. Quies accurate loquitur, nisi qui vult putide loqui. L'éloquence fait injure aux choses qui nous détournent à soi. Comme aux accoutrements, c'est pusillanimité de se vouloir marquer par quelque façon particulière et inusitée. De même au langage, la recherche des phrases nouvelles et des mots peu connus vient d'une ambition scolastique et puérile. Pussé-je ne me servir que ceux qui servent aux Halles à Paris. Aristophane, le grammairien, n'y entendait rien de reprendre en Épicurus la simplicité de ces mots, et la fin de son art oratoire qui était perspicuité de langage seulement. L'imitation du parler, par sa facilité, suit incontinent tout un peuple. L'imitation de juger, de l'inventer ne va pas si vite. La plupart des lecteurs, pour avoir trouvé une pareille robe, pensent très faussement tenir un pareil corps. La force et les nerfs ne s'empruntent point. Les atours et le manteau s'empruntent. La plupart de ceux qui me hantent parlent de même les essais. Mais je ne sais s'ils pensent de même. Les Athéniens, dit Platon, ont pour leur part le soin de l'abondance et l'élégance du parler. Les Lacédémoniens, de la brièveté, et ceux de la Crète, de la fécondité des conceptions. Plus que du langage, ceux-ci sont les meilleurs. Zénon disait qu'il avait deux sortes de disciples. Les uns, qu'il appelait philologus, curieux d'apprendre les choses, qui étaient si mignons. Les autres, logophilus, qui n'avait soin que du langage. Ce n'est pas à dire que ce ne soit une belle et bonne chose que le bien dire, mais non pas si bonne qu'on l'a fait. Et je suis dépit de quoi notre vie s'en besogne tout à cela. Je voudrais premièrement bien savoir ma langue et celle de mes voisins où j'ai plus ordinaire commerce. C'est un bel et grand agencement sans doute que le grec et latin, mais on l'achète trop cher. Je dirais ici une façon d'en avoir meilleur marché que le coutume qui a été essayé en moi-même. S'en servira qui voudra. Feu mon père, ayant fait toutes les recherches que l'on peut faire parmi les gens savants et d'entendement d'une forme d'institution exquise, fut avisé de cet inconvénient qui était en usage, et lui disait on que cette longueur que nous mettions à apprendre les langues qui ne leur coûtait rien est la seule cause pourquoi nous ne pouvons arriver à la grandeur d'âme et de connaissance des anciens Grecs et Romains. Je ne crois pas que ce en soit la seule cause. Tant il y a que l'expédient que mon père y trouva, ce fut qu'en nourrice et avant le premier dénouement de ma langue, il me donna en charge à un Allemand, qui depuis est mort fameux médecin en France, de tout ignorant de notre langue et très bien versé en la latine. Celle-ci, qu'il avait fait venir exprès et qui était bien chèrement engagée, m'avait continuellement entre les bras. Il en eut aussi avec lui deux autres moindres en savoir pour me suivre et soulager le premier. Ceux-ci ne m'entretenaient d'autres langues que latine. Quant au reste de sa maison, c'était une règle inviolable que ni lui-même, ni ma mère, ni valet, ni chambrière ne parlaient en ma compagnie qu'autant de mots de latin que chacun avait appris pour jargonner avec moi. Ces merveilles du fruit que chacun y fit. Mon père et ma mère y apprirent assez le latin pour l'entendre et en acquirent à suffisance pour s'en servir à la nécessité, comme firent aussi les autres domestiques qui étaient plus attachés à mon service. Somme, nous nous latinisâmes tant qu'il en regorgea jusqu'à nos villages tout autour, où il y a encore, et on prit pied par l'usage, plusieurs appellations latines d'artisans et d'outils. Quant à moi, j'avais plus de 6 ans avant que j'entendisse non plus de français ou de périgordin que d'arabesque, et sans art, sans livre, sans grammaire ou précepte, sans fouet et sans larmes, j'avais appris du latin tout aussi pur que mon maître d'école le savait, car je ne le pouvais avoir mêlé ni altéré. S'y paraissait, on me voulait donner un thème, à la mode des collèges, on le donne aux autres en français. Mais à moi, il me le fallait donner en mauvais latin pour le tourner en bon. Et Nicolas Grouchy, qui a écrit de Comitiis Romanorum, Guillaume Guérant, qui a commenté Aristote, Georges Buchanan, ce grand poète écossais, Marc-Antoine Muret, que la France et l'Italie reconnaissent pour le meilleur orateur du temps, mes précepteurs domestiques m'ont dit souvent que j'avais ce langage en mon enfance si près et si à main qu'ils craignaient à m'accoster. Buchanan, que je vis depuis à la suite de feu Monseigneur le maréchal de Brissac, me dit qu'il était prêt à écrire de l'institution des enfants et qu'il prenait l'exemplaire de la mienne, car il avait leur en charge ce comte de Brissac que nous avons vu depuis si valeureux et si brave. Quant au grec, duquel je n'ai quasi du tout point d'intelligence, mon père désigna me le faire apprendre par art, mais d'une voie nouvelle, par forme d'ébat et d'exercice. Nous pelotions nos déclinaisons, à la manière de ceux qui, par certains jeux de tablier, apprennent l'arithmétique et la géométrie. Car entre autres choses, il avait été conseillé de me faire goûter la science et le devoir par une volonté non forcée et de mon propre désir, et d'élever mon âme en toute douceur et liberté, sans rigueur et contrainte. Je dis jusqu'à telle superstition que, parce qu'aucun tienne que cela trouble la cervelle tendre des enfants, de les éveiller le matin en sursaut et de les arracher du sommeil, auxquels ils sont plongés beaucoup plus que nous ne sommes, tout à coup et par violence. Il me faisait éveiller par le son de quelque instrument, et ne fut jamais sans homme qui m'en servit. Cet exemple suffira pour en juger le reste, et pour recommander aussi, et la prudence et l'affection d'un si bon père auquel il ne se faut prendre s'il n'a recueilli aucun fruit répondant à une si exquise culture. Deux choses en furent cause. En premier, le champ stérile et incommode, car quoique j'eusse la santé ferme et entière, et quand un naturel doux et traitable, j'étais parmi ceux-là si poison, molle et endormi, qu'on ne me pouvait arracher de l'oisiveté, non pas pour me faire jouer. Ce que je voyais, je le voyais bien, et sous cette complexion lourde nourrissait des imaginations hardies et des opinions au-dessus de mon âge. L'esprit, je l'avais lent et qui n'allait qu'autant qu'on le menait. L'appréhension, tardive, l'invention lâche et après tout, un incroyable défaut de mémoire. De tout cela, il n'est pas merveille s'il ne sut rien tirer qui vaille. Secondement, comme ceux que presse un furieux désir de guérison se laissent aller à toutes sortes de conseils, le bonhomme, ayant extrême peur de faillir en choses qu'il avait tant à cœur, se laissa enfin emporter à l'opinion commune, qui suit toujours ceux qui vont devant, comme les grues, et se rangea à la coutume, n'ayant plus autour de lui ceux qui lui avaient donné ses premières institutions, qu'il avait apportées d'Italie, et m'envoya environ mes 6 ans au collège de Guyenne, très florissant pour lors, et le meilleur de France. Et là, il n'est possible de rien ajuster aux soins qu'il eut, et à me choisir des précepteurs de chambre suffisants, et à toutes les autres circonstances de ma nourriture, en laquelle il réserva plusieurs façons particulières contre l'usage des collèges. Mettant, il y a que c'était toujours collège. Mon latin s'abâtardit incontinent, duquel, depuis par désaccoutumance, j'ai perdu tout usage, et ne me servit cette mienne inaccoutumée institution que de me faire enjamber d'arriver aux premières classes. Car à 13 ans que je sortis du collège, j'avais achevé mon cours qu'ils appellent, et à la vérité, sans aucun fruit que je pusse à présent mettre en compte. Le premier goût que j'eus au livre, il me vint du plaisir des fables de la métamorphose d'Ovide. Car environ l'âge de 7 ou 8 ans, je me dérobais de tout autre plaisir pour les lire, d'autant que cette langue était la mienne maternelle, et que c'était le plus aisé livre que je connaisse, et le plus accommodé à la faiblesse de mon âge, à cause de la matière. Car des Lancelots du Lac, des Amadis, des Huons de Bordeaux, et tel fatras de livres à quoi l'enfant s'amuse, je n'en connaissais pas seulement le nom, ni une fois encore le corps, tant exacte était ma discipline. Je m'en rendais plus nonchalant à l'étude de mes autres leçons prescrites. Là, il me vint singulièrement à propos d'avoir affaire à un homme d'entendement, de précepteur, qui sut dextrement conniver à cette mienne débauche et autres pareilles. Car, par là j'enfilais tout d'un train Virgile en l'Anéide, et puis Terence, et puis Plaute, et des comédies italiennes, leurrées toujours par la douceur du sujet. S'il eût été si folle de rompre ce train, j'estime que je n'eusse apporté du collège que la haine des livres, comme fait quasi toute notre noblesse. Il s'y gouverna ingénieusement, faisant semblant de n'en voir rien. Il aiguisait ma faim, ne me laissant qu'à la dérobée gourmander ses livres et me tenant doucement en office pour les autres études de la règle. Car les principales parties que mon père cherchait à ceux à qui il donnait charge de moi, c'était la débonnairité et facilité de complexion. Aussi n'avait la mienne autre vice que langueur et paresse. Le danger n'était pas que je fisse mal, mais que je ne fisse rien. Nul ne pronostiquait que je dusse devenir mauvais, mais inutile. On ne prévoyait de la fainéantise, non pas de la malice. Je sens qu'il en est avenu de même. Les plaintes qui me cornent aux oreilles sont telles, il est oisif, froid aux offices d'amitié et de parenté, et aux offices publics, trop particuliers, trop dédaigneux. Le plus injurieux même ne dise pas pourquoi il prie. Pourquoi n'a-t-il payé? Mais pourquoi ne quitte-t-il? Pourquoi ne donne-t-il? je recevrai à faveur qu'on ne désirât en moi que tels effets de supérogation. Mais ils sont injustes d'exiger ce que je ne dois pas, plus rigoureusement beaucoup, qu'ils n'exigent d'eux ce qu'ils doivent. En m'y condamnant, ils effacent la gratification de l'action et la gratitude qui m'en serait due. Là où le bienfaire actif devrait plus poiser de ma main, en considération de ce que je n'en ai de passif, nul qui soit. Je puis d'autant plus librement disposer de ma fortune qu'elle est plus mienne et de moi que je suis plus mien. Toutefois, si j'étais grand enlumineur de mes actions, à l'aventure rembarrais-je bien ces reproches et à quelques-uns apprendrais qu'ils ne sont pas si offensés que je ne fasse pas assez, que de quoi je puisse faire assez plus que je ne fais. Mon âme ne laissait pourtant en même temps d'avoir à part soi des remuements fermes et des jugements sûrs et ouverts autour des objets qu'elle connaissait et les digérait seule sans aucune communication. Et entre autres choses, je crois à la vérité qu'elle eût été de tout incapable de se rendre à la force et violence. Mettrai-je en compte cette faculté de mon enfance? Une assurance de visage et souplesse de voix et de gestes à m'appliquer au rôle que j'entreprenais. Car avant l'âge, alter ap undecimo tum me vix seperat anus. J'ai soutenu les premiers personnages des tragédies latines de Buchanan, de Guérande et de Muret, qui se représentèrent en notre collège de Guyenne avec dignité. En cela, Andreas Covianus, notre principal, comme en toute autre partie de sa charge, fut sans comparaison le plus grand principal de France et me tenait en maître ouvrier. C'est un exercice que je ne mêlais point aux jeunes enfants de maison, et j'ai vu nos princes s'y adonner depuis en personne, à l'exemple d'aucun des anciens, honnêtement et louablement. Il était loisible même d'en faire métier aux gens d'honneur et en Grèce. Aristoni tragico actori rem aperit. Huic et genus et fortuna honesta erant, nec ars, quia nihil tale aput, grecos pudori est, ea deformabat. Car j'ai toujours accusé d'impertinence ceux qui condamnent ces ébattements. Et d'injustice ceux qui refusent l'entrée de nos bonnes villes aux comédiens qui le valent et envient au peuple ses plaisirs publics. Les bonnes polices prennent soin d'assembler les citoyens et les rallier comme aux offices sérieux de la dévotion, aussi aux exercices et jeux. La société et amitié s'en augmentent et puis on ne leur saurait concéder des passe-temps plus réglés que ceux qui se font en présence d'un chacun et à la vue même du magistrat, et trouverait raisonnable que le prince, à ses dépens, en gratifiât quelquefois la commune, d'une affection et bonté compaternelle, et qu'aux villes populeuses, il y eût des lieux destinés et disposés pour ces spectacles, quelques divertissements de pires actions et occultes. Pour revenir à mon propos, il n'y a tel que d'allécher l'appétit et l'affection. Autrement, on ne fait que des ânes chargés de livres. On leur donne à coups de fouet en garde leur pochette pleine de science, laquelle, pour bien faire, il ne faut pas seulement loger chez soi, il la faut épouser. Fin du chapitre 25, partie 2, lu par Agnès Aubi, 2024.